Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion de français. Voici le journal de Meriden pour le quatrième trimestre. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées et ce trimestre était très occupé. Le privilège des années 12 par Katrina English. Quand on entre en année 12, on reçoit quelques privilèges qui ne sont pas disponibles aux autres classes dans l'école. Cela inclut, on peut aller à Strathfield au magasin, mais juste pour 30 minutes. Si on a une classe libre pendant la matinée ou l'après-midi, il peut arriver à l'école tard ou partir plus tôt de l'école. Le meilleur privilège est que les élèves en année 12 peuvent avoir est la salle de terminale. Il y a beaucoup de facilités dans cette salle, y compris une petite cuisine avec un évier, un micro-ondes et une bouilloire électrique. C'est un espace où les étudiantes en année 12 peuvent se reposer et travailler. Novembre touche à sa fin. Il y avait 6 profs qui ont fait pousser leurs moustaches pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate. Ils ont récolté $500. Bravo à tous! Le récital des boursiers. Dans la soirée du 8 novembre, le Wallace Hall était bruyant avec toute la musique merveilleuse des boursiers et les élèves d'année 11 et 12. Il y avait une grande diversité d'instruments et les élèves sont très organisés. Ensuite, elles ont fait des spectacles très précis et vraiment magnifiques. C'était une soirée vraiment agréable. Le diplôme de la seconde s'est passé lundi 13 novembre jusqu'à mercredi 15. Lundi, elles ont eu l'examen d'anglais et de sciences. Mardi, elles ont eu les examens d'histoire et géographie et de maths. Mercredi, elles ont eu l'examen d'informatique. C'était une semaine très stressante pour les élèves, mais elles ont beaucoup travaillé et nous souhaitons pour qu'elles disent le meilleur résultat. Il y a beaucoup de bruit autour de la musique, la danse et le théâtre. Mais pourquoi? C'est le trimestre de House Arts, ou bien les arts dans chaque maison. Les directeurs d'artistiques pour chaque maison sont très occupés avec l'organisation des spectacles, diriger les orchestres et faire leurs devoirs. Le 8 décembre, nous allons regarder les spectacles primés dans le Wallace Hall. Ça sera un matin vraiment magnifique. Woo! Clarice Nackler pour le Journal de Meriden. Bonne journée. Le service de chant de Noël arrive tous les ans pendant la dernière semaine de l'année scolaire. Ça se passe au lycée de Meriden, dans le parc Selborne, et tout le monde est le bienvenu. Au service, des différents groupes de musique à Meriden font un spectacle. D'habitude, les choristes chantent les chansons de Noël et c'est un moment de joie quand les gens peuvent souhaiter aux autres gens un joyeux Noël. Le service unit la communauté de Meriden ensemble pour célébrer Noël et pour regarder les étudiantes participer dans le groupe. Comme j'étais pas lorsque je t'ai rencontré, être bien dans ma peau pour que t'aies envie d'y entrer. Dis-moi que tu m'aimes, ça me suffira. Dis-moi que tu m'aimes, et ça suffira. Et ça suffira. et que tu goûtes l'eau qui coule au fond de mes yeux. Quand tu me dis ces mots d'amant jamais amoureux, quand j'essaie de fuir, je me fais vite rattraper par le souvenir de tous les mots que tu me chantais. Dis-moi que tu m'aimes, ça me suffira. Dis-moi que tu m'aimes et ça suffira. Et ça suffira. Ça me fait mal de rester là, te voir ne pas me regarder. Si tu pouvais rien qu'une fois te retourner, me rassurer. Dis-moi que tu m'aimes, ça me suffira. Dis-moi que tu m'aimes, ça suffira. Et ça suffira. Je voudrais qu'on me trouve belle, qu'on se voit dans mes dents blanches. Aujourd'hui, le temps sera très chaud, environ 35 degrés, et avec peu d'humidité. Il y aura des vents forts et en compagnie de températures montantes, il fera sec et il y aura un grand risque d'incendie. Donc, ça c'est la météo pour mercredi le 22 novembre 2006. Les robots sont-ils nécessaires à notre quotidien, à notre société? Oui ou non? Et pourquoi? Certains robots sont nécessaires, comme le robot dans l'usine et le robot jouet. Si j'avais un robot, il ferait tout ce que je veux? Si j'avais un robot, ma vie quotidienne serait beaucoup plus facile. Je lui ferais faire toutes les tâches ménagères, y compris faire mon lit, faire la vaisselle, tout du repassage et passer l'aspirateur. Mon robot idéal serait un sosie de George Clooney. Je préfère de loin un robot qui ressemble à une personne qu'un robot qui est fabriqué en métal et qui ressemble à un robot. Bien que je dise que je voudrais un robot pour faire les choses que je ne veux pas faire, je ne pense pas vraiment que les robots sont tellement nécessaires à notre quotidien, à notre société. Si j'avais un robot, il me parlerait. Si j'avais un robot, il ferait mes devoirs. Si j'avais un robot, je devrais apprendre comment il marche. Je lui ferais faire toutes les tâches à faire que je n'aime pas, comme ranger les chambres et faire la vaisselle. Je crois que ça va être un peu difficile d'être habitué au robot. Mon robot idéal ferait toutes les tâches ménagères et aussi il ferait les courses. Il m'aiderait avec mes devoirs et à ranger mon sac à dos. Il me réveillerait le matin et préparerait mes repas et enfin je ferai la fête. Est-ce que les robots sont nécessaires à notre quotidien ou à la société? D'une part, oui, parce qu'ils feront les tâches difficiles et donc la vie des gens sera moins difficile. Ils pourront s'occuper des handicapés et des personnes âgées aussi. En plus de ça, ils pourront faire les tâches ménagères et donc donner autant aux femmes qui travaillent, qui ont une famille aussi. Mais d'autre part, ils ne sont pas nécessaires à notre quotidien ou à la société. C'est parce que maintenant, nous vivons sans les robots et nous pouvons survivre. Si nous avons des robots dans notre société, ils vont prendre les postes et les gens vont être au chômage. Les robots feront tous les travaux et les gens seront paresseux. paresseux. Enfin, ils seront trop gros. Et maintenant, une chanson de Raphaël. Ne partons pas fâchés. Bien sûr qu'on a perdu la guerre. Bien sûr que je le reconnais. Bien sûr la vie nous met le compte. Bien sûr la vie c'est une enclume. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer. Ailleurs on ferait pas que fuir. Bien sûr j'ai pas les moyens. Et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles. Bien sûr qu'il y a des vallées. Et les enfants sautent sur les mines. Bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr, j'ai la ville dans le ventre. Bien sûr, j'ai vendu ma moto. Bien sûr, je te trouve très jolie. J'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr, la vie nous fait offense. Bien sûr, la vie nous fait misère. On ira aussi vite que le vent. Même si on a bien souvent rampé. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Je t'emmènerai à la mer. Y'a rien d'autre à faire qu'à se saouler. Attendre le jugement dernier. Transplanté là-haut dans le ciel. Il paraît que c'est pas pareil. Il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Mais ça ne fait rien. Ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux. Vous avez pensé que vous ne verrez pas le Russie avant l'année prochaine? Vous avez tort. Pour la première fois, nous allons voir le Russie au même temps que l'États-Unis. C'est le retour et la quatrième saison est même mieux que la dernière. Oui, peut-être Marissa est morte, mais regardez comme quand la petite sœur Caitlin reprend la plage de Newport en main. Ne ratez pas Russie tous les mardis à 8h30 sur la chaîne 10. Bélier, vous devrez prendre des décisions importantes qui décideront du chemin que vous prendrez. Taureau, aujourd'hui vous allez bien. Récemment, vous étiez fatigué, mais heureusement, vous êtes en pleine forme. Gémeaux, vous avez besoin de concentrer un peu plus pour recevoir ce que vous voulez. Si vous faites ça, vous réussirez. Cancer, il faut que vous aidiez un de vos amis avec le problème, parce qu'il faisait la même chose pour vous. Lion, faites attention. N'essayez pas de vous mettre en colère. Pas les petites choses. C'est mieux de rester calme. Vierge, aujourd'hui, vous rencontrerez un ami ancien. avec qui vous partagerez beaucoup de souvenirs. Balance. Vous trouverez l'amour dans un endroit inattendu, mais faites attention, vous pouvez vous perdre. Scorpion. Vous recevrez une promotion à votre travail qui vous étonnera. Sagittaire. Il faut que vous fassiez plus d'exercices parce que vous vous rendrez compte de l'importance de la santé. Capricorne. En amitié, vous auriez des difficultés avec vos amis, mais vous allez trouver votre véritable meilleur ami. Verseau. Vous vous sentez très social aujourd'hui. Vous impressionnerez vos collègues avec votre esprit et intelligence. Et Poissons. Votre signe de zodiaque entre l'étoile de Mercure, qui veut dire que vous entrez en temps de grands changements. Ça, c'est les horoscopes par Katrina English, aujourd'hui, le 26 novembre 2006. En été, que passer, je ne sais que passer. Ma vie comme l'aile d'un oiseau qui s'enfuit. Tu es la liberté que j'ai toujours cherchée. Je voudrais te garder juste le temps de ne pas t'oublier. Encore, je voudrais t'aimer encore avec mon cœur et mon corps. Arrêtez le temps qui va un jour te voler à moi. Encore, avant qu'il ne reste rien, que les larmes sous ma main, ton empreinte sous ma peau. Je vole ton sourire quand je te vois dormir. Pour m'en souvenir longtemps après toi. Tu es mon prisonnier au fond de mes pensées. Mais je sais qu'un matin de notre amour il ne restera rien. Encore, je voudrais t'aimer encore avec mon cœur et mon corps. Arrêtez ce temps qui va un jour te voler à moi. Encore, avant qu'il ne reste rien, qu'une larme sur ma main, ton empreinte sur ma peau. Comme le vent d'été, je vais te regretter. Cet oiseau qui s'enfuit, son aile déchire un peu ma vie. Tu es ma liberté que j'ai enfin trouvée. Et j'ai pu te garder jusqu'à le temps de ne pas t'oublier. Encore, je voudrais t'aimer encore de la nuit jusqu'à d'avoir écouté notre balado diffusion par Clarisse et Katrina. Au revoir et bonne chance.